Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle a été la situation du jeune État irakien dans les années 1920 ? Quelles sont ses relations avec la Grande-Bretagne et comment les revendications des minorités religieuses et ethniques sont-elles étouffées, voire réprimées dans le sang? Quelle a été la politique des notables menée par le roi Faisal et comment s'exprime le centralisme irakien, s'interroge l'historien Henri Laurence. Quelle a été la politique réaliste et intelligente de ce même Faisal pour construire un État moderne, un régime politique et une monarchie? Comment a été créé le Royaume d'Arabie Saoudite? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne aujourd'hui en Irak et dans la péninsule arabique, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956 ». Nous voici dans l'entre-deux-guerres, quand les mandats de la Société des Nations, attribués à la France sur la Syrie et le Liban, et à la Grande-Bretagne sur la Palestine et l'Irak, mais avec une situation particulière que commente Henri Laurence, ont été obtenus lors de la conférence internationale de San Remo en 1920. Ces mandats sont de type A, et j'en rappelle les termes. Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nation indépendante peut être reconnue provisoirement à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Le vœu de ces populations doit d'abord être pris en considération pour le choix du mandataire. Dans son ouvrage « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération », Jean-Pierre Filieu rappelle, et je le cite, que Faisal, le roi déchu de Damas, a été placé par la Grande-Bretagne en août 1921 sur le trône d'Irak. Cette manœuvre est cautionnée par l'organisation d'un plébiscite à question unique qui donne 96% des votes en faveur du couronnement de Faisal. Alors que la résistance anticoloniale associée sunnite et chiite, les Britanniques reconstruisent l'État irakien autour des anciens officiers arabes et sunnites de l'armée ottomane. Dans cet Irak dominé depuis Bagdad par les Arabes sunnites, l'amalgame des gouvernorats de Bassora, majoritairement chiites, et de Mossoul, largement kurde, est porteur de tensions à la fois régionales et confessionnelles. C'est cette situation que nous retrouvons dans le cours qui s'ouvre aujourd'hui. Alors dans quelles conditions l'Irak est-il devenu un pays indépendant? Comment la sanglante affaire assyrienne a-t-elle ouvert une longue tragédie qui va toucher tour à tour toutes les composantes de la société irakienne? Et du côté de la péninsule arabique, quels ont été les précédents royaumes arabes? Qui était Ibn Saoud? Et qu'est-ce que la synthèse saoudienne? Quelle est la dimension politique de l'épopée saoudienne? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 14 novembre 2018 pour le cours d'Henri Laurence, aujourd'hui vers l'indépendance de l'Irak et la naissance du Royaume d'Arabie Saoudite. Alors, j'avais abordé l'année dernière ce sujet des crises d'Orient, dans la mesure où je peux dire que c'était né en partie d'une interrogation sur ce qui se passait actuellement dans cette région du monde, qui, peut-on dire, est devenue une terre de sang ces derniers temps. Et me poser la première question, évidemment, quelles sont les éventuelles responsabilités étrangères dans ces drames actuels de la région, puisqu'une vision sommaire dirait c'est la faute à Sachs, c'est la faute à Picot. Et en même temps, quand on regardait sur la longue durée du 19e voire du 18e siècle, on voyait la récurrence d'un certain nombre de phénomènes historiques. Et donc j'avais expliqué l'année précédente, en tout cas, dans ces crises d'Orient, que, en fait, cette région du monde vivait dans un jeu permanent d'ingérence et d'implication des puissances extérieures ou régionales, et que donc il y avait évidemment à la fois responsabilité extérieure, puisqu'il y avait des ingérences, mais en même temps il y avait des implications, c'est-à-dire des appels des forces locales aux puissances étrangères. Ceci n'a rien de spécifique à cette région. Si on raisonne sur l'histoire européenne ou française, nous avons impliqué trois fois de suite les États-Unis dans le destin de l'Europe. Une première fois en 1917, une seconde fois durant la Seconde Guerre mondiale et une troisième fois en 1949 avec la création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Alliance Atlantique, et que donc pour des raisons historiques, à chaque fois les partenaires européens, soit par rapport à l'Allemagne durant les deux premières guerres mondiales, soit par rapport à l'Union soviétique, ont impliqué une puissance étrangère qui était les États-Unis sur le continent européen. Donc il n'y a pas de spécificité en soi du Proche-Orient dans ce jeu d'implication et d'ingérence. Mais simplement, c'est devenu pratiquement le code génétique de la région, au sens où chaque acteur calcule toujours en fonction d'éventuels alliés extérieurs qu'il pourrait avoir ou d'alliés extérieurs que ses adversaires locaux pourraient avoir. Donc ceci pour le cadre général. Et donc je m'étais arrêté l'année dernière, après avoir décrit la Première Guerre mondiale, les complexes règlements de l'après-guerre et d'une autre question qui revient de façon régulière, que nous allons voir en particulier maintenant, qui est comment se fait-il, enfin surtout, ces États arabes qu'on nous présente comme des créations étrangères sont devenus des réalités autonomes et indépendantes, ne serait-ce qu'on a été incapable de les remettre en cause depuis le presque siècle qui nous sépare, disons, de San Remo, avril 1920, à aujourd'hui. Et dans le cours de l'année dernière, je crois que je suis à peu près terminé, à la situation de l'Irak qui se voyait imposer un traité par la Grande-Bretagne. Le roi Faisal ne le voulait pas au départ, mais il a eu opportunément une crise d'appendicite, ce qui a permis au gouvernement irakien d'accepter le traité en l'absence du roi. Mais faut-il encore pouvoir faire ratifier le dit traité par une assemblée élue? On n'est pas dans une période de dictature, dans cette période de l'entre-deux-guerres, il faut toujours que les traités se trouvent ratifiés. Et ce traité, même s'il donne des pouvoirs considérables à la Grande-Bretagne, permet à l'Irak de ne pas être officiellement un mandat. Enfin, c'est une situation juridique compliquée. L'Irak échappe à la commission des mandats de la Société des Nations. Elle est directement gérée par les Britanniques dans une relation qui est plus bilatérale que comme étant un mandat. Mais il faut donc des élections pour ratifier le traité et les grands religieux chiites s'oppose en appelant une indépendance complète du pays. Et naturellement, Faisal soutient en sous-main l'opposition des grands religieux, ce qu'évidemment les Britanniques, eux, ne peuvent pas admettre. Et il est obligé de faire marche arrière alors que le religieux déclare anathème, takfir, infidèle. L'équivalent en religion chrétienne, c'est l'anathème, ceux qui participeraient aux élections. Et le gouvernement irakien, à ce moment-là, répond en traitant les dignitaires d'étrangers qui n'ont rien à faire avec la politique irakienne. Et ça va amener justement à l'un des éléments qui vont conduire au grand drame irakien jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'une part, en effet, un certain nombre de grandes familles religieuses, de cléricales, des villes saintes, de Najaf et Karbala, sont d'origine persane ou éventuellement d'origine libanaise, même à quelques décennies de distance. Vous avez évidemment des Iraniens qui se sont installés en Irak à proximité des villes saintes ou dans les villes saintes. Et puis vous avez beaucoup d'Irakiens qui, à l'époque ottomane, s'étaient déclarés persans pour éviter la conscription. Ils vont se retrouver dans le piège qu'on va leur dénier une identité irakienne parce qu'ils s'étaient déclarés persans avant 1914. Ça conduira, mais ça beaucoup plus tard, à l'époque de Saddam Hussein, à des expulsions de masse de gens définis comme iraniens et non pas comme irakiens. Et dans ce contexte aussi, vous avez les victoires kémalistes en Anatolie, le traité de Lausanne, et on va donc faire de la question de Mossoul la question essentielle. Et les Britanniques vont plus ou moins faire un chantage aux Irakiens en disant « si vous voulez conserver le vilayet de Mossoul, ratifiez le traité. Sinon, on laisse Mossoul aux Turcs et on s'arrangera avec eux. » Mais en même temps, c'est pas une vraie volonté britannique, c'est plutôt un moyen de chantage parce que les premiers mouvements autonomistes kurdes dans la région sont réprimés assez durement par les forces anglo-irakiennes, en particulier par l'aviation britannique, puisque les Anglais gouvernent l'Irak par le biais de l'aviation en bombardant les zones qui refusent de payer l'impôt ou qui entrent en soumission. Mais il y aura une guérilla résiduelle kurde jusqu'au début des années 30. Finalement, les religieux chiites sont expulsés vers l'Iran, vers la Perse, et cette fois, les grandes tribus chiites ne bougent pas, alors qu'en 1920, elles s'étaient soulevées à l'appel des religieux de chiites de Najaf et de Karbala. Et le fait qu'il n'y a pas de soulèvement lors de l'expulsion des grands religieux, des mouchtaïdes, ça vient du résultat de la politique des notables menée par Faisal et par les Britanniques. Et c'est là aussi l'intérêt éventuel d'avoir une monarchie. Car la politique britannique depuis 1914 est d'avoir en quelque sorte accéléré la sédentarisation des grandes tribus bédouines en donnant les terres des tribus aux chefs tribaux. C'est-à-dire que les grands chefs tribaux deviennent des grands propriétaires terriens et les bédouins deviennent des paysans, c'est-à-dire quasiment des serfs, au profit des grands propriétaires. Mais pour que ces grands propriétaires stabilisent leurs propriétés, ils ont besoin d'un pouvoir central fort à Bagdad. Et donc, même s'ils sont chiites, ils soutiennent la monarchie. Et donc, de façon intelligente, la monarchie centralise le pouvoir des grands propriétaires autour d'elle, ce qui explique l'absence de soulèvement à ce moment-là. Et on voit donc comment très vite le centralisme irakien a commencé à fonctionner. Car si, en effet, on a pu dire que la fusion des trois vilayets ottomans de Mossoul, Bagdad et Basra avait été plus ou moins artificielle, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucun pôle de concurrence dans le pays par rapport à Bagdad. D'ailleurs, à l'époque ottomane, souvent, les trois vilayettes, en tout cas les deux vilayettes de Basra et de Bagdad, étaient gouvernées à partir de Bagdad. Donc il y avait déjà des précédents dans le système ottoman. Mais là, surtout, vous avez eu au début des années 20 une esquisse d'autonomie de la région de Basra, mais ça n'avait absolument pas pris. Et Mossoul, au nord, est une grande ville sunnite, et donc elle n'a qu'un intérêt, c'est de s'agréger à Bagdad et au pouvoir sunnite de Bagdad, surtout qu'elle est face dans une région où il y a des Kurdes. Et donc Mossoul ne peut pas être concurrent de Bagdad. Et donc, de même, Faisal draine autour de lui les chefs kurdes, les chefs turkmènes, et donc Il mène ce qu'on appellerait dans un système colonial une politique des égards, et ça montre comment très vite le centralisme a pris en Irak, à la fois par la violence, évidemment, par les bombardements aériens britanniques, mais aussi par l'agrégation des notables autour de la monarchie. Donc, la résistance des religieux ayant été brisée, ceux-ci sont autorisés à revenir en Irak. Faisal leur accorde les plus grands honneurs, mais ils ont compris la leçon et ils se retirent en quelque sorte de la vie politique. En fait, les religieux chiites, je vous dis ça par anticipation, cesseront de jouer un rôle politique de 1923 au début des années 60. Ils ne reviendront dans la politique en Irak qu'au début des années 60 à cause de la concurrence des communistes. Parce que dans les années 60, le Parti communiste recrutait beaucoup chez les chiites et donc les religieux sont entrés en politique, pas vraiment pour la question du pouvoir central, mais pour contrer la menace de la propagande communiste dans leurs propres ouailles. Dans les années 60 en Irak, mais c'était aussi le cas au Liban, on disait Shia et Shuyuriya, c'est-à-dire chiisme et communisme, c'est la même chose. Les partis communistes recrutaient dans la population. Mais là, c'est une anticipation, et revenons donc aux années 20. Donc, l'Assemblée constituante est réunie en mars 1924, et comme elle se montre encore un peu réticente, les Britanniques adressent un ultimatum en disant « si vous ne ratifiez pas le traité, on revient à un mandat de la Société des Nations pure et simple ». Et donc le traité est ratifié et en même temps la constitution irakienne est votée ainsi que la loi électorale. La monarchie se trouve dotée de grands pouvoirs, même si le gouvernement reste responsable devant l'Assemblée. Les Britanniques ne sont là que comme des conseillers du roi, ce qui fait que le pouvoir royal se trouve consacré par la présence britannique. Mais en même temps, les Britanniques voudraient que le roi soit docile, alors que Faisal, évidemment, travaille à grignoter en permanence les compétences des Britanniques pour réunir le pouvoir autour de lui. D'où le fait que les Britanniques trouvent que vraiment ce Faisal, il est ingrat. Mais en fait, c'est le problème général des Britanniques. Ils trouvent que tous les peuples colonisés par eux sont ingrats et ne reconnaissent pas le mérite de la politique britannique. Les archives britanniques sont remplies de textes sur la gratitude des gens. Alors, la SDN accepte que le traité remplace la charte du mandat qui n'a pas été élaborée, contrairement à la Palestine et à la Syrie. Reste Mossoul, puisque la question était ouverte, puisqu'on n'avait pas réglé la question de Mossoul à un moment du traité de Lausanne, et on avait envoyé un arbitrage de la Société des Nations. Et l'arbitrage est déposé en juillet 25. Le vilayet de Mossoul doit rester à l'Irak, à condition que le mandat dure 25 ans, sauf si le pays est admis avant à la Société des Nations, et que l'autonomie culturelle kurde doit être garantie. Et cette fois, l'Irak accepte, évidemment, ce qui amène à la conclusion d'un nouveau traité avec la Grande-Bretagne, qui est conclu en 1926 pour 25 ans. Quant au pétrole, la concession de la Turkish Petroleum Company, la TPC, est ratifiée en mars 1925. Elle couvre l'ensemble des pays sauf le vilayet de Basra et le gouvernement irakien a été obligé d'abandonner sa revendication de participation au capital. En revanche, il recevra une redevance, une royalty payable en or. Le 5 juin 1926, un traité tripartite anglo-irako-turc est conclu reconnaissant l'intégration du vilayet de Mossoul à l'Irak, définissant les modalités de la délimitation de la frontière et accordant à la Turquie pour 25 ans 10% de la redevance de l'IPC payée à l'Irak. Alors, dans la classe dirigeante irakienne, de la nouvelle monarchie irakienne, les hommes forts apparaissent, émergent de plus en plus. C'est le fameux groupe des anciens officiers de l'armée ottomane. Il faut rappeler que 10% des officiers de l'armée ottomane étaient irakiens en 1914. Et donc, ils ont été formés dans les académies militaires ottomanes et les kémalistes qui sont au pouvoir en Irak sont leurs anciens copains de classe. Donc, on peut comprendre la prégnance de ce modèle ottomano-kémaliste chez les anciens officiers. Alors, dans le groupe général des officiers, il y a une petite élite qui est apparue, qui sont ceux qui se sont ralliés à Faisal durant la guerre et qui sont participés à la révolte arabe. Mais enfin, tous, qu'ils aient été ou non du côté de Faisal, veulent un État fort et centralisé, capable de briser par la force les tribus. Et le premier enjeu de la politique irakienne sera d'établir une armée de conscription. Et les Kurdes et les chiites s'y opposent parce qu'ils ont parfaitement compris que les simples soldats seraient Kurdes et chiites, mais que les officiers seraient tous sunnites. Et donc, ce projet est rejeté par le Parlement irakien dans un climat de tension confessionnelle entre sunnites et chiites. Faisal, lui, travaille à intégrer le plus possible les chiites au nouveau régime et à l'appareil d'État. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quel chiite. Il ne veut pas des religieux des villes saintes. Ça ne sert à rien dans le système moderne. Ce qu'il souhaite, c'est éduquer une nouvelle génération de chiites par les écoles modernes et l'enseignement moderne et qui seraient des nationalistes arabes et qui s'agrégeraient au noyau sunnite qui entoure la monarchie. D'où le fait que la monarchie va se lancer dans un grand effort éducatif orienté vers les classes moyennes de la société irakienne pour créer un enseignement national arabe. Mais comme il manque de professeurs, la monarchie va s'adresser à des enseignants syriens ou palestiniens qui vont venir enseigner à Bagdad dans les écoles modernes. Et ceci va provoquer un certain nombre de clashs entre ces enseignants syriens et palestiniens et les élèves, surtout chiites, irakiens, ne serait-ce que la question de savoir comment raconter l'histoire des origines de l'islam, hein, puisque les professeurs syriens ou palestiniens sont plutôt pro-omeyyades, tandis que les élèves chiites hurlent au massacre des partisans de Hussein à Karbala. Donc l'histoire est de la dynamite dans cette région du monde. Du coup, les élèves vont traiter les enseignants d'étrangers. Et l'on fait donc à peine une dizaine d'années après la chute de l'Empire ottoman, on voit que les personnalités régionales prennent de leur ampleur, puisque des Syriens et Palestiniens sont appelés étrangers à Bagdad, ce qui n'était pas, par définition, à l'époque ottomane. En décembre 27, un nouveau traité est conclu, garantissant l'entrée de l'Irak à la Société des Nations pour 1932. Les députés kurdes demandent que l'autonomie du Kurdistan soit d'abord garantie. Cette fois, on n'est plus dans une revendication d'ordre tribal comme au début des années 20, mais dans une vraie revendication politique. Et à l'époque, la vie culturelle devient particulièrement riche et intense dans la monarchie hachémite. Il y avait un proverbe, une expression de l'époque, qui était valable jusqu'aux années 50 ou 60, on disait « les Égyptiens écrivent les livres, les Libanais les éditent et les Irakiens les lisent ». Mais c'est vrai que, aussi contestable qu'on puisse avoir de l'œuvre de la monarchie hachémite d'Irak, son œuvre culturelle et éducative est absolument considérable et vous avez une vie intellectuelle absolument intense en Irak, qui à l'époque ottomane était une province retardée de l'Empire ottoman par rapport à la Syrie ou au Liban ou à la Palestine. Alors l'homme fort de l'Irak moderne, de la monarchie, émerge progressivement. C'est Nuri Pacha Said, l'ancien officier de l'armée ottomane, rallié à Faisal durant la révolte arabe, qui l'a suivi ensuite à Paris durant la conférence de la paix, puis ensuite a participé au royaume arabe de Damas. Et maintenant, Nuri Said devient l'homme clé du système politique irakien, et ce sera pour 30 ans, puisque jusqu'à la révolution de juillet 58 et de massacre au sens physique de sa personne, le 14 juillet ou le 15 juillet 1958. Et en 1930, Nuri Said conclut un nouveau traité qui définit ce qui doit être un Irak indépendant, qui permet de la monarchie le garant de l'ordre public et de la défense du pays. En contrepartie, les Britanniques peuvent utiliser tout le pays en cas de guerre et ont le monopole de l'équipement et des conseillers de l'armée irakienne. Les Britanniques conserveront deux bases militaires aériennes, puisque la priorité maintenant dans le système britannique de l'entre-deux-guerres, ce sont les bases aériennes, ce qu'on appelle les voies impériales de communication. Je vous rappelle que la géographie issue de San Remo est une géographie de voies aériennes. Il faut que les avions britanniques de Londres jusqu'à Bombay soient en territoire contrôlé par les Britanniques. Donc, Gibraltar, Malte, Chypre, Alexandrie, Jérusalem, Bagdad, Basra, et puis hop, on arrive à Bombay. Et à partir de 1920, vous avez des connexions aériennes entre Londres et Bombay, ce qui réduit encore considérablement les trajets entre le Hajj, l'Empire britannique des Indes, et la métropole. Alors, le projet d'indépendance de l'Irak étant acquis, les minorités protestent pour demander des garanties. C'est le cas des Kurdes, des Yézidis. Je ne vous apprends pas qui sont les Yézidis parce que vous avez entendu parler de pas mal ces dernières années. Et les Turkmènes, ou Turcomans en français, mais enfin on dit Turkmènes aujourd'hui. Donc ce sont des Turcophones qui sont issus de populations nomades ou proches du nomadisme des Turkmènes par rapport aux Turcs qui sont plutôt des paysans anatoliens. Donc ils pétitionnent auprès de la commission de la SDN pour obtenir des garanties. Mais le problème le plus grave vient des Assyro-Chaldéens, qui sont en grande partie des réfugiés en Irak lors des massacres de 1915 et de la destruction de la chrétienté anatolienne. Le problème, c'est que les Britanniques se sont appuyés sur les Assyro-Chaldéens pour former des troupes locales à leur service, on appelle les Levies. Donc, les Assyro-Chaldéens sont particulièrement haïs par la population arabe parce qu'ils sont totalement assimilés à la domination britannique. Et maintenant, les Britanniques s'en vont. Et évidemment, les Assyro-Chaldéens sont très inquiets et demandent soit qu'on leur donne un territoire autonome en Irak, soit d'être réinstallés ailleurs. Mais aucun pays au monde ne veut les accepter, et certainement pas la Grande-Bretagne installerait des Assyro-Chaldéens dans les îles britanniques. Dans ce contexte, la Société des Nations conditionne l'accès à l'indépendance au respect d'un statut des minorités. C'est-à-dire, ce qui se fait en 1932, c'est que la Société des Nations applique le statut des minorités organisé dans les traités de ce qu'on appelle le petit traité de Versailles, pas le grand, c'est-à-dire pour la Pologne, et les traités de Trianon et Saint-Germain pour les minorités d'Europe centrale et orientale. Ce statut des minorités est imposé à l'Irak comme condition d'indépendance, c'est-à-dire que l'on accepte un droit d'ingérence dans les affaires irakiennes, puisque le statut des minorités dit que n'importe quel membre de la Société des Nations peut appeler à la Société des Nations de regarder le statut des minorités s'il y a une inquiétude sur leur sort. Et d'ailleurs, Faisal, au début de 1933, demandera à l'ambassadeur britannique si lui, il avait le droit d'interpeller de la Société des Nations pour la situation des Juifs en Allemagne après l'avènement d'Hitler. Comme il était plutôt germanophile par ailleurs, c'était plutôt une vacherie qu'il envoyait à l'ambassadeur britannique qu'autre chose. Alors ici, les minorités sont à la fois des réalités ethniques, les Kurdes, ou des minorités religieuses, les Yézidis et les Assyro-Chaldéens. En plus, il y a les Bahaïs, donc cette secte dissidente de l'islam qui est devenue en soi une religion, mais que les musulmans refusent d'admettre comme une religion à part et considèrent les Bahaïs, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, comme des apostats. Et donc ils sont majoritairement persécutés dans les pays musulmans où ils se trouvent encore aujourd'hui. Et les Britanniques voudraient bien prendre la défense des Bahaïs, mais les ennemis mortels des Bahaïs, ce sont les chiites, parce que le bahaïsme est issu d'une scission du chiisme. Et donc les Britanniques préfèrent satisfaire la majorité religieuse des pays chiites que la petite minorité bahaï. Et Nouri Saïd, discrètement, lui, il prévient les Mustafa Kemal qu'il n'est pas question d'accorder des droits importants aux Kurdes, parce que ça provoquerait des problèmes pour le gouvernement kémaliste qui réprime ses propres Kurdes en Anatolie. Alors, dans le débat, les Britanniques interdisent à la commission des mandats de faire une enquête sur place, parce que de toute façon, la commission des mandats n'a pas le droit d'intervenir sur place dans les mandats. Que ce soit les mandats A, B et C, c'est-à-dire ceux d'Afrique, c'était les mandats B, et ceux d'Océanie sont les mandats C. Et ceux A sont ceux du Proche-Orient. L'Allemagne, qui vient d'entrer à la Société des Nations, pousse à une indépendance réelle et non à un protectorat déguisé, parce que, comme l'Irak était un mandat, il y avait liberté, enfin, égalité de traitement pour tous les étrangers, y compris en termes économiques. Tous les mandats avaient l'égalité d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de douane particulier pour tel ou tel pays. Et donc, ce que les Allemands ont peur, on est avant l'avènement d'Hitler, hein, c'est qu'une Irak indépendante supprime l'égalité de traitement entre les produits allemands et les produits britanniques, etc. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne pousse à une indépendance totale de l'Irak. L'Italie est contre, mais pour marchander, pour essayer d'avoir une concession pétrolière. Et la France, dont craignait le refus, est plutôt pour, parce qu'elle se dit que finalement, le traité anglo-irakien pourrait servir de prototype à un traité franco-syrien et franco-libanais, qui permettrait à la France de terminer les mandats tout en conservant une présence en Syrie et au Liban. Donc clairement, les grandes puissances ne se sentent concernées que par la défense de leurs intérêts et non pas par la protection des minorités. Et la Société des Nations vote l'admission de l'Irak le 3 octobre 1932. Et l'indépendance de l'Irak est proclamée le 6 octobre 1932, là, vous voyez Faisal parlant à une cérémonie d'indépendance de l'Irak le 6 octobre. C'est lui qui est en costume blanc. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, aujourd'hui vers l'indépendance de l'Irak et la naissance du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc cette indépendance formelle qui donne à l'Irak une marge de manœuvre bien plus considérable que les autres pays arabes, avec la grande consécration qu'est l'entrée à la Société des Nations. C'est un statut d'égalité juridique avec les pays occidentaux. Vous vous rappelez qu'au XIXe siècle, le droit international divisait les pays dans le monde entre pays civilisés et pays non civilisés, et que les pays non civilisés devaient avoir un statut juridique amoindri par un régime de capitulation, ce qui était le cas de l'Empire ottoman. Donc, être admis à la Société des Nations, et c'est être admis à une égalité totale, qui est une rupture avec le système de domination et d'humiliation du XIXe siècle. Alors, tout ça en 10 ans à peu près, enfin 11 ans. 11 ans de la politique intelligente, réaliste de Faisal, qui, après son expérience extrêmement malheureuse du royaume arabe, a joué au contraire un très bon tacticien politique, travaillant à construire un pays, un régime politique et une monarchie. Donc, Faisal a une position nationaliste arabe qui trouve que les Britanniques sont trop importants, et il y a une opposition chiite qui considère que le régime est trop dominé par les sunnites. Et j'ai dit, la solution que Faisal a à l'esprit, c'est de tout investir dans l'éducation pour créer de nouvelles générations qui aboliraient la distinction entre sunnites et chiites à travers une commune appartenance à un nationalisme arabe. Alors Faisal, dans le domaine des relations internationales, se rend souvent en Europe pour des raisons de santé. Il faut dire qu'il fume plusieurs paquets de cigarettes par jour, ce qui n'est pas bon pour sa santé, y compris en France où il est très bien reçu. Et il travaille aussi à établir des relations avec ses voisins indépendants, la Turquie kémaliste, la Perse et l'Arabie saoudite. Au début de 1933, Faisal entreprend un long séjour en Grande-Bretagne et en Europe, où il est reçu avec les plus grands honneurs. Mais la situation intérieure se crispe pendant son absence, puisque les Assyro-Chaldéens, dont le nombre s'élève à peine à une quarantaine de milliers, pour les trois quarts des réfugiés anatoliens, demandent une autonomie territoriale, et une partie des Assyro-Chaldéens prennent les armes pendant l'absence du roi. Et la répression va être menée par un officier, Batker Sidki, qui va écraser dans le sang le mouvement Assyro-Chaldéen avec de très lourdes représailles contre la population civile assyro-chaldéenne. C'est ce qu'on appelle l'affaire assyrienne. Alors, pour les Irakiens, le soulèvement assyro-chaldéen, c'est soit un complot britannique contre l'indépendance de l'Irak, soit une manigance française, ce qui explique la popularité de la répression. Et Batker Sidki devient un héros national du fait qu'il a maté dans le sang les Assyro-Chaldéens. Donc ces violences de l'été 1933 marquent paradoxalement à la fois la force de l'idée étatique irakienne et le début d'une longue tragédie qui va éprouver tour à tour toutes les composantes de la société irakienne. Dans la concurrence des victimes d'aujourd'hui, les descendants des victimes de 1933 évoquent un second génocide après celui de 1915. Donc si vous regardez sur l'Internet, vous avez des publications assyriennes extrêmement violentes demandant la réparation des torts commis aux Assyro-Chaldéens, non seulement en 1915, mais aussi en 1933. Il faut dire qu'une grande partie des gens qui ont été réprimés en août 1933 sont partis s'installer en Amérique du Nord, en particulier dans la région de Chicago, où le patriarche assyro-chaldéen a son siège, si mes souvenirs sont bons aujourd'hui. De plus en plus malade, Faisal repart pour l'Europe le 2 septembre 1933. Les Britanniques et les Irakiens y voient une fuite devant les responsabilités. Mais en fait, il meurt à Berne le 8 septembre 1933, à l'âge de 50 ans, Il est enterré à Bagdad le 15 septembre. Plusieurs centaines de milliers d'Irakiens participent à ses obsèques, qui sont les premières de ce jour. On pourra ensuite montrer les obsèques du roi Hussein ou les obsèques de Nasser, etc., comme grande manifestation populaire. Je veux dire, les centaines de milliers de personnes qui sont allées assister aux obsèques de Faisal, ils n'ont pas été forcés de venir. C'était le fait que cet homme d'État a finalement reçu à la fin de sa vie une reconnaissance historique de son rôle. Alors, si l'Irak se veut l'État moderne par excellence, nous allons maintenant passer, avec un petit retour en arrière pour la cohérence, à la péninsule arabique et à la création du royaume d'Arabie saoudite. Tout ça à cause d'un certain Abdulaziz ibn Abdulrahman al-Saoud, que les locaux appellent Abdulaziz et que les Européens appellent Saoud, ibn Saoud. C'est un personnage bien connu, donc en Occident, le fameux Ibn Saoud, qui a fasciné ses contemporains et qui a continué à le faire jusqu'à aujourd'hui. Comme il se doit, à côté de l'épopée, il existe aussi une légende noire. Et donc, ce qui nous revient aujourd'hui, c'est de donner la dimension politique de l'épopée saoudienne. Alors, il faut partir de la réalité du désert, en particulier de l'Arabie centrale, du Najd. Ce pays, enfin, le désert, d'abord, c'est rempli de gens en général, un désert, rassurez-vous. C'est jamais complètement vide, un désert, contrairement à ce que j'en pense. Vous avez deux types de groupements humains dans le désert. Vous avez les groupements tribaux à base de nomades, qui ont leur base territoriale et l'embryon d'une structure intellectuelle et politique, mais qui se construisent non pas dans le nomadisme, mais dans les oasis. Et il y a donc, selon l'opposition classique, à la fois les bédouins al-Badou et les sédentaires al-Hada, qui forment la population du désert. Alors, il y a évidemment complémentarité économique entre les bédouins et les sédentaires, parce que les bédouins ont besoin des céréales des sédentaires et les sédentaires ont besoin de la viande et du lait que procurent les nomades. Mais en bon réaliste, les nomades, ils passent aussi leur temps à racketter les sédentaires au nom de la protection, comme dans la mafia. On fait des offres qu'on ne peut pas refuser. La réforme religieuse puritaine et littéraliste d'Abdul Wahhab au XVIIIe siècle, dans la lignée de l'école juridique dite Hanbalite, a donné naissance à un corpus idéologique qui a permis ensuite la constitution d'un État grâce à l'alliance entre la famille As-Saoud du Najd et la famille d'Abdul Wahhab qu'on va appeler les Al-Sher, c'est-à-dire les religieux. Et à la fin du XVIIIe siècle, s'était créé un premier État saoudien qui avait pris le contrôle de la plus grande partie de la péninsule et qui avait dévasté l'Irak, puisque les chiites étaient évidemment des apostats pour les littéralistes sunnites et il était licite de les massacrer. Ce premier État saoudien a été détruit par l'intervention égyptienne, dite égyptienne, de Mohammed Ali, entre 1811 et 1818, à la demande du sultan de Constantinople, et Ibrahim Pacha avait pris la capitale des Saouds en 1818. Alors, ce qui avait fait la force du premier État saoudien avait été la constitution d'une symbiose religieuse entre nomades et sédentaires dans une affirmation de l'unicité absolue de Dieu, donc le Tawhid, et l'anathème, le takfir, porté sous toute forme d'association. L'effondrement de la domination dite égyptienne après 1840 avait permis la constitution de ce qu'on appelle le second État saoudien, avec comme capitale Riyad dans le Najd. Et ce second État saoudien était plus limité géographiquement, il contrôlait l'Arabie centrale. Et il a renforcer l'alliance entre les religieux wahhabites et la famille Saoud. En particulier, ils ont installé une véritable dictature religieuse en Arabie centrale, interdisant toutes les autres formes d'islam sunnite en Arabie centrale. Mais la grande faiblesse de l'État saoudien, du deuxième État saoudien, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que ça pose des problèmes, ça a des échos aujourd'hui, c'est le problème de la succession. Et très rapidement, la famille régnante saoudienne s'est divisée en clans qui se sont combattus, alors que les Ottomans font un retour en force à partir de Basra à la fin du XIXe siècle. La province, le vilayet de Basra est censé aller jusqu'au Najd dans les cartes administratives ottomanes, ce qui expliquera aussi pourquoi les Saoudiens ont eu très peur en 1990 quand Saddam Hussein a occupé le Koweït, parce qu'il disait que Koweït avait partie de la province de Basra. Mais les Saoudiens savaient que le Riyad faisait partie de la province de Basra aussi. Donc on comprend qu'ils ont mal aimé cette revendication. En 1887, le second État saoudien s'était effondré et les Saouds étaient partis en exil, ce qui fait que le jeune Abdelaziz, né en 1880, s'est retrouvé en exil à Koweït. Et là, je reprends le concept très intéressant qu'avait développé Yves Besson dans un livre que j'apprécie beaucoup sur la naissance de l'Arabie saoudite, dans lequel Yves Besson explique qu'il y a une politique du désert, qui est un jeu permanent d'alliances et de contre-alliances entre groupes tribaux et à l'intérieur des familles dirigeantes des tribus. C'est donc une situation pleine de retournements de situation. Et l'acteur politique du désert est aussi réputé par sa vaillance que par sa ruse. Et ce qui va se passer à la fin du XIXe siècle, c'est que cette politique du désert va s'imbriquer avec la grande politique internationale. Parce que les Britanniques sont partout. Ils sont partout. En 1899, à cause de l'affaire des chemins de fer de Bagdad, ils ont imposé leur protectorat sur Koweït. Ils ont imposé tout le long du XIXe siècle leur protectorat sur tous les Émirats du Golfe. Ils ont un protectorat de fait sur le Oman. Ils sont à Aden, au Yémen. Et puis, depuis 1882, ils sont en Égypte. Donc, en quelque sorte, les Britanniques ceinturent la péninsule arabique, sauf du côté de la Syrie. Et donc, dans son enfance et dans sa jeunesse, le jeune Abdelaziz, il est à Koweït, et il est informé de tout ça, puisque Koweït est au centre de la politique internationale et mondiale au début du XXe siècle, à cause des chemins de fer de Bagdad, qui est une de la grande affaire régionale. Et donc, il fait son éducation politique à ce moment-là, d'autant plus que le cheikh de Koweït de l'époque, le fameux Moubarak le Grand, était un redoutable manœuvrier politique, justement, dans cette politique du désert. Alors, c'est à partir de là qu'en janvier 1902, Abdelaziz se lance, avec quelques dizaines de compagnons, dans la reconquête de son royaume, en prenant Riyad par un coup de main en janvier 1902. Il va suivre 12 ans de guerroiement dans la péninsule arabique pour rétablir ce qui est à l'époque l'émirat saoudien et l'idéologie ou la de Abdelaziz, Ben Saoud si vous voulez, c'est que son but, son rêve, son projet, c'est de reprendre la totalité des territoires qu'ont contrôlés les Saouds dans le premier et le second état saoudien. Alors, il prend le titre politique et religieux d'imam, mais son territoire s'appelle un émirat. Et donc, le programme politique d'Abdelaziz, c'est de définir tous ses adversaires comme des apostats. Il fait le takfir au maximum. Et c'est ainsi que le wahhabisme, ou de façon plus claire, ce qu'on va appeler, selon l'expression de mon ami et collègue Nabil Moulim, le Hanbalo-wahhabisme, devient complètement un instrument de pouvoir et confondu avec la maison des Saoud. Alors, cette prédication wahhabite va aboutir à un phénomène original, un projet de sédentarisation des Bédouins sur une base religieuse autour des points d'eau. En changeant de mode de vie, les Bédouins vont être soumis à une véritable inculcation de la perspective wahhabite, conduisant à créer une armée de Bédouins sédentarisés qui entreront dans l'histoire sous le nom des Irwans, des frères. Et les Irwans saoudiens vont devenir très rapidement une armée puissante. L'étendard, c'est la Shahada, c'est-à-dire exactement le même étendard qui a été repris par Daesh aujourd'hui. Donc, ces Irwans, c'est la force de frappe des Saoud qui ne font que le djihad en permanence, puisque tous les adversaires des Saouds sont définis comme des non-musulmans, comme des apostats, des kafirs. Mais, ça c'est la différence avec le djihad d'aujourd'hui, en permanence, Abdelaziz rappelle, en bonne théologie musulmane, que seul le chef de la communauté, c'est-à-dire lui, a le privilège de déclarer le djihad, de collecter les impôts et d'exécuter les peines légales. Alors, on a pu parler presque de génocide culturel dans la prédication wahhabite du début du XXe siècle qui a pratiquement déraciné la culture traditionnelle des Bédouins de l'Arabie centrale. Mais en même temps, vous avez là ce renforcement entre le personnel religieux et la monarchie, qui sont en complète symbiose, puisque l'expansion des Irwans et des Saoud correspond à une expansion du wahhabisme. Alors, pour les Saoud, pour les Hanbalo wahhabites, en bonne doctrine, le califat ottoman n'est pas valide, et de toute façon, il n'est pas question de reconnaître une quelconque vassalité par rapport au pouvoir ottoman, puisque ce serait sinon abandonner le projet de récupérer les territoires perdus par la famille Saoud. Alors, l'intelligence stratégique d'Abdelaziz a été de penser immédiatement que le seul moyen de s'en sortir, c'était s'appuyer sur les Britanniques. Et il s'est donc, dès la prise de Riyad, envoyé des émissaires successifs auprès des Britanniques en disant « Je suis prêt à être votre allié ». Mais les Britanniques, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas rentrer dans l'Arabie centrale. Il n'y a rien, il y a que du sable dans l'Arabie centrale, vous savez bien. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on a, dès le début du XXe siècle, ce qu'on peut appeler la synthèse saoudienne, une prédication religieuse intransigeante allant jusqu'à combattre un grand nombre de musulmans définis comme hérétiques, et un réalisme politique cherchant le soutien d'au moins une grande puissance occidentale, au risque de voir se constituer une confrontation mortelle entre les deux points, entre la prédication religieuse et l'alliance occidentale. L'étape décisive est la conquête du Haza en 1913. Alors, d'abord parce que ça donne à l'émirat saoudien une population littorale composée majoritairement de chiites. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, qu'on ne saura que 30 ans plus tard, c'est que dans le sol du Haza, il y a la plus grande réserve de pétrole du monde. Donc c'est un moment décisif. Et les Ottomans ayant été chassés de cette région, les Ottomans ont fait ce que tout empire fait, ils ont négocié et ils ont accepté de faire d'Ibn Saoud le gouverneur du Najd, le Wali. Donc il était émir pour les siens, mais Wali, gouverneur pour les Ottomans, ce qui permet de maintenir une fiction d'un ordre ottoman allant jusqu'aux frontières du Qatar. Cette fois, les autorités britanniques considèrent que quelqu'un est intéressant, puisqu'il est sur la mer maintenant. Et donc, ils entrent en relation avec Ibn Saoud, lui demandant, je cite, de respecter les principautés arabes dont les émirs sont en relation avec le gouvernement de Sa Majesté, c'est-à-dire en premier lieu le Qatar, mais aussi les Émirats qu'à l'époque on appelle de la Côte de la Trêve, qui sont aussi, enfin les actuels, la Fédération des Émirats, mais qui à l'époque sont appelés la Côte de la Trêve. En fait, c'était la Côte des Pirates avant, et quand les Britanniques ont mis fin à la piraterie au XIXe siècle, ou ce qu'ils appelaient la piraterie pour intervenir, ça c'est un autre débat, donc ils ont passé des accords de la trêve avec les Émirats locaux, donc c'est devenu la Côte des Pirates et devenu la Côte de la Trêve. Et donc, à partir de là, on entre dans la Première Guerre mondiale. Et la question se pose, quelle est la place d'Ibn Saoud dans le système britannique, d'autant plus que les Britanniques débarquent en novembre 1914 à Basra. Et donc, une longue négociation a lieu par un capitaine britannique qui avait le malheur de s'appeler Shakespeare, mais ça ne s'écrivait pas exactement de la même façon, qui aboutit donc à un traité le 26 septembre 1915, par lequel les Britanniques reconnaissent l'indépendance des territoires acquis par Ibn Saoud, mais avec une ambiguïté, parce que est-ce qu'il s'agit de territoires au sens géographique du terme ou des mouvances appartenant aux tribus, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ils reconnaissent aussi la succession fixée par le souverain, en échange de quoi les Saouds s'engagent à ne pas avoir de faire d'actes hostiles aux Britanniques et de ne pas empiéter sur les Émirats. Il a donc la protection des Britanniques avec l'obligation de ne traiter des étrangers avec des étrangers que par leur intermédiaire ou en leur présence, ce qui lui permet de recevoir un subside financier et des livraisons d'armes. Alors, liquidons tout de suite une vieille baleine, si j'ose dire. Il n'est absolument pas question qu'Ibn Saoud puisse être un instrument d'une révolte arabe. Pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas une autorité religieuse, contrairement au shérif Hussein et aux hachémites. Je vous rappelle que ce qui intéressait d'abord les Britanniques et les Français dans la révolte arabe, c'était la fin du djihad Mene Germani. Ibn Saoud ne peut pas leur donner ça. Tandis que le shérif Hussein pouvait donner ça aux alliés. La seconde chose, c'est que les Irouanes, considérant que la population sédentaire de la Syrie et surtout de l'Irak est composée de kafirs, n'avaient qu'une seule chose à l'esprit, c'était de les massacrer et de les piller. Et donc, il n'était pas question de lâcher les Irouanes sur la population sédentaire du croissant fertile. Et donc, il était clair que Ibn Saoud ne pouvait pas être le candidat à une révolte arabe et les Britanniques ne lui ont jamais proposé. Et d'autre part, on voit mal sur la carte où les Saouds auraient pu intervenir, puisqu'en Irak, les Britanniques sont déjà là. Tandis que les Hachémites, à partir du Hedjaz, peuvent intervenir en Transjordanie et en Syrie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 14 novembre 2018 l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, l'hégémonie britannique 1926-1956, aujourd'hui, vers l'indépendance de l'Irak et la naissance du Royaume d'Arabie Saoudite. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. L'historien a notamment publié « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux » 1768-1914 chez Fayard en 2017 et « Oriental, le volume 4, l'Orient dans tous ses états » aux éditions du CNRS. Iconographie web Claire Signon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des crises d'Orient en compagnie d'Henri Laurence, pour la deuxième partie de son cours consacré à la péninsule arabique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.